on apporta un autre couvert. Et, comme il avait grand faim, il empoignait au hasard, parmi les restes du dîner, de la viande dans un plat, un fruit dans une corbeille, buvait d'une main, se servait de l'autre, tout en racontant sa mission. Les deux toutous étaient reconduits. Rien de neuf au domicile. Il avait trouvé la cuisinière avec un soldat. Histoire fausse, uniquement inventée pour produire de l'effet. La maréchale décrocha de la patère sa capote. Frédéric se précipita sur la sonnette en criant de loin au garçon. « Une voiture !»« J'ai la mienne !» dit le vicomte. « Mais monsieur !»« Cependant, monsieur !» Ils se regardaient dans les prunelles, pâles tous les deux, et les mains tremblantes. Enfin, la maréchale prit le bras de Sisi et, en montrant le bohème attablé, « Soignez-le donc, il s'étouffe. Je ne voudrais pas que son dévouement pour mes roquets le fît mourir. » La porte retomba. « Eh bien, » dit Sonnet, « eh bien quoi ? Je croyais. Qu'est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous ne... » Il compléta sa phrase par un geste. « Eh non, jamais de la vie !» Sonnet n'insista pas davantage. Il avait eu un but en s'invitant à dîner. Son journal, qui ne s'appelait plus « L'Art », mais « Le Flambard », avec cette épigraphe « Canonnier à vos pièces », ne prospérant nullement, il avait envie de le transformer en une revue hebdomadaire, seul, sans le secours du Deslauriers. Il reparla de l'ancien projet et exposa son plan nouveau. Frédéric, ne comprenant pas sans doute, répondit par des choses vagues. Sonnet empoigna plusieurs cigares sur la table, dit « Adieu, mon bon !» et disparut. Frédéric demanda la note. Elle était longue. Et le garçon, la serviette sous le bras, attendait son argent, quand un autre, un individu blafard, qui ressemblait à Martinon, vint lui dire « Faites des excuses, on a oublié au comptoir de porter le fiacre. » « Quel fiacre ?»« Celui que ce monsieur a pris tantôt pour les petits chiens. » Et la figure du garçon s'allongea, comme s'il eût plaint le pauvre jeune homme. Frédéric eut envie de le gifler. Il donna pour boire les 20 francs qu'on lui rendait. « Merci, monseigneur !» dit l'homme à la serviette, avec un grand salut.